chance de... Un autre printemps est-il possible? J'espère bien que oui, en ce vendredi 20 mars. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de parler de politique, de désenchantement d'après le week-end et de l'actualité qui vous attend ce week-end, ce sera à partir de 6h30 pour les premières informations et l'actualité. C'est Un autre jour est possible, votre réveil culturel, spécial Salon du Livre avec dans un instant notre série consacrée à la traduction en compagnie de Christine Laferrière. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité des romans graphiques. Aujourd'hui, je reçois Kyung-Gin Park et Joseph Safiedine pour leur bande dessinée éditée au Lambard, Yalahbaï. Et les deux dessinateurs seront d'ailleurs présents aujourd'hui et même demain au Salon du Livre de Paris, si vous voulez aller les rencontrer. Ils seront nos invités tout à l'heure aux alentours de 6h17. Mais pour commencer, Tête chercheuse. Máma Měnka neví, ani vědět nesmí, za kým mé srdenko ve dně v noci teskní. Als wäre es der junge Mann, den mir sie backen vollen hat. Těžko jeně, těžko. It was very imprudent of him. Na mojem srdenku, jak by něho svázal hedvábnou šňůrečku. But when Barry saw the splendor of the chevalier's appearance, the nobleness of his manner, he felt it impossible to keep disguise with him. Bonjour Christine Laferrière. Bonjour. Être soi dans l'ombre d'autrui, cinquième et dernier épisode, quelle limite à la transmission? On parle de vous, vous en tant que traductrice, en vous, les traducteurs, on vous nomme les passeurs. Et moi je trouve que c'est un terme qui vous convient. Oui, c'est-à-dire qu'étant donné que nous avons accès au texte original, on va pouvoir le faire passer dans notre propre langue. Et il est vrai que le terme de passeur a été mis à l'honneur lorsqu'il a été question de rendre sa place légitime au traducteur au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'il fallait bien qu'on ait conscience et que le lectorat ait peut-être davantage conscience que le texte français qu'il lisait n'était pas l'original et que derrière, donc, il y avait quelqu'un qui avait œuvré pour faire cette traduction. Mais je crois que le terme de passeur a aussi d'autres applications historiquement. Je sais que j'ai rencontré un jour un professeur, désormais à la retraite, dans une université de Moravie, qui me disait qu'à l'époque donc, de la domination soviétique en Tchécoslovaquie, il avait des amis dissidents qui avaient été emprisonnés. Et lui avait vécu en France avant, il avait des ouvrages en français dans sa bibliothèque. Et il m'avait dit que pour lui, un acte de dissidence inouïe, ça avait été de traduire pour donc ses amis qui sortaient de prison, certaines des provinciales de Pascal, parce qu'il estimait que c'était nécessaire à leur survie intellectuelle et spirituelle. Donc là, ce qui est formidable, c'est que le traducteur avait directement donné à ces quelques lecteurs les textes en question. Et là, je crois que le rôle de passeur brille dans tout son éclat. Voilà. Donc c'est une démarche intéressante. Lorsque l'on parle aussi de traducteurs qui... traduisent des textes de pays moins connus ou qui traduisent des textes écrits dans des langues rares, ce sont parfois donc ces mêmes personnes qui suggèrent à des éditeurs les ouvrages à publier en français. Donc là aussi, ils sont passeurs. Pourquoi ? Parce que pour ce qui est de la littérature de certains pays, par exemple, il n'y aura pas d'agents ou bien il y a trop peu de personnes qui maîtrisent la langue pour pouvoir aller chercher eux-mêmes dans le pays des textes qui mériteraient d'être publiés. Donc là aussi, le traducteur peut s'avérer un passeur auprès de l'éditeur. Mais je crois que dans la réalité économique française, c'est quand même l'éditeur qui prime, parce que si vous trouvez un texte génial mais qui n'intéresse pas l'éditeur, le traducteur ne fait rien passer du tout. Je pense, alors c'est peut-être aussi parce qu'on est en mars 2015, mais je crois qu'on peut aussi considérer que l'éditeur est le passeur parce que c'est celui qui va rendre le texte public. Publicare, c'est rendre public au départ. Donc c'est quand même le but d'une traduction, c'est d'être lu par une majorité de gens. On traduit rarement pour un lectorat confidentiel. Donc il me revient à l'idée... Donc l'épisode des versets sataniques, dans lequel on peut dire que les éditeurs, ceux qui prenaient la responsabilité de diffuser l'ouvrage, étaient aussi les premiers passeurs, on va dire. Et on sait ce qui est arrivé à certains éditeurs étrangers, même à certains traducteurs, mais lorsque communiquer, transmettre, faire découvrir un livre est un acte dangereux, celui qui en assume la responsabilité, je crois, est le premier passeur. Il y en a d'autres, mais je crois qu'il faut voir ça. Et en France, on publie les traductions à compte d'éditeurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, un auteur ne va pas demander à un traducteur de traduire entièrement son œuvre pour ensuite la vendre à un éditeur. Ça se fait dans d'autres pays, en France, non. Donc, dans la structure nationale et pyramidale, selon le bon principe napoléonien, il faut voir que tout au-dessus, il y a l'éditeur, que c'est de lui que ça dépend. Donc, chacun a sa place, chacun a son rôle de passeur. Il n'y en a pas un qui soit inférieur ni supérieur à l'autre. Tout le monde dépend de tout le monde. Seulement, voilà, il y en a un qui aura une place plus en vue et qui aura plus de responsabilités que l'autre, qui ne seront pas les mêmes. Quand même pas non plus oublier que le traducteur a une responsabilité morale envers l'auteur, envers l'éditeur et envers le lectorat, puisqu'il s'agit tout de même aussi de sa conscience personnelle. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi cette série depuis son début, depuis lundi, que Christine Laferrière a traduit Tolkien, Toni Morrison, Pessoa écrivant en anglais, hein, c'est pour ses nouvelles écrites en anglais, mais par exemple... On voit bien que c'est trois univers très, très différents. Mais par exemple, quand vous prenez ces nouvelles de Pessoa, écrites en anglais, donc, par l'auteur, est-ce que, quand vous lisez ça, vous sentez tout de suite que c'est pas sa langue maternelle? Est-ce que la musicalité portugaise n'est pas très loin de son style? Et est-ce que vous vous dites, vous, traductrice, Christine Laferrière, même ça, même ce petit détail, cet arrière-fond de l'écriture de Pessoa, il faut absolument que je trouve un moyen de le traduire. Les nouvelles de Pessoa avaient ceci de singulier, de caractéristique, qu'elles exposaient des raisonnements mathématiques et absolument implacables. Donc ça, il fallait rendre cet effet par tous les moyens possibles, hein, effet déployé magistralement en recourant à la langue anglaise. L'arrière-fond portugais, je ne sais pas, mais en même temps, je vais vous répondre parce que vous allez considérer comme une pirouette et qu'il n'en est pas une. Voilà. Le prix que je paye pour l'infini plaisir que j'ai à traduire est le suivant. Quand je découvre un texte dont je sais que je vais le traduire, je ne peux pas l'aborder comme si je n'allais pas le traduire. C'est-à-dire que dès la première lecture, le français va commencer à se bousculer dans ma tête. Voilà. Et voilà le sacrifice que l'on fait, c'est-à-dire que je ne peux pas le lire en ne pensant à rien d'autre. Le français vient m'envahir automatiquement. Donc c'est pour ça que je ne peux pas entièrement répondre à votre question. Donc l'excitation du défi l'emporte sur le plaisir de découvrir un texte ? Ne l'emporte pas, il s'y substitue parce qu'il y a effectivement l'enthousiasme et parce qu'il y a aussi la volonté de bien faire qui va toujours avec une certaine anxiété, puis parce que vous avez aussi peut-être la trouvaille qui va surgir à ce moment-là sans que vous l'ayez forcément souhaité. Vous lisez une phrase, vous dites « oui, ça va donner ça en français ». Une fois encore, je ne parle que pour moi. Moi, je fonctionne comme ça. Je n'arrive pas à faire abstraction à première lecture du fait que je vais traduire le texte. Qu'est-ce que vous avez appris au fil des ans et des traductions, Christine Laferrière ? Que la traduction est un exercice d'humilité permanente. Et comment on évolue dans ce métier ? Je crois qu'il y a un état d'esprit qui fait qu'il y aura toujours une certaine forme d'aisance. Maintenant, ce même état d'esprit qui fait qu'il faut être prudent, qui fait qu'il faut toujours opérer en même temps une parfaite analyse, une parfaite synthèse, fait que on aura souvent l'impression de marcher sur des œufs, même si on a de l'expérience. Ce que j'ai appris, je crois, c'est que malgré l'expérience, la quantité de travail requise est toujours la même, que donc je suis toujours aussi désireuse de l'accomplir et je le ferai. Et je crois qu'en ce sens, c'est bien. C'est énormément de travail et ce n'est pas parce que j'ai traduit plusieurs ouvrages que je me dirais que je peux me passer d'un certain travail. Non, il y a énormément de travail, énormément de révision, énormément de recherche, toujours. Et je crois que ça, ce que j'ai appris, c'est que quel que soit le nombre d'ouvrages traduits, la quantité de travail requise d'un texte sur l'autre, finalement, est proportionnellement toujours la même. Est-ce que vous pensez qu'il y a des genres littéraires que vous ne pourrez jamais traduire, Christine Laferrière? Je pense que techniquement, la gamme que je peux traduire est relativement vaste, et encore je dis ça, mais restons prudents, mais je crois qu'il me serait très difficile de traduire des textes dans lesquels je ne me retrouve pas. Voilà, je pense que je suis de ces lecteurs et lectrices qui aiment lire parce qu'ils se découvrent ou se retrouvent dans un livre. Et je ne pourrais pas, je pense, me laisser habiter par un texte, je ne pourrais pas réfléchir à un texte dans lequel je ne me retrouverais pas ou que je désapprouverais totalement sur son fond idéologique, par exemple. Mis à part ça, vous n'avez pas d'a priori sur les genres. Je ne sais pas, la semaine prochaine... Il y a un genre que je n'aime pas beaucoup, je vous l'avouerai, c'est une certaine forme de fantastique. C'est-à-dire que si vous me donniez une histoire de vampire à traduire, techniquement, j'y arriverais. Mais je pense que ce ne serait pas formidable parce que ce serait peut-être sans âme, je ne sais pas. Peut-être que le manque d'enthousiasme se sentirait. Je ne sais pas, c'est une question que l'on peut se poser. Mais il n'y aurait pas, je crois, le supplément d'âme qui est le point commun entre le traducteur et l'écrivain, finalement, le souffle. La semaine prochaine, une série sur le polar. Le polar dans tous ses états, c'est bien sûr pour fêter les 70 ans de la série noire, de la collection prestigieuse des polars de Gallimard. Est-ce que vous avez eu affaire à traduire un polar dans votre carrière de traductrice, Christine Laferrière? Alors, polar tel quel, comme on l'entend souvent, non. J'ai eu mieux que ça. J'ai eu deux ouvrages d'une historienne d'origine irlandaise qui s'appelle Kate Colquhoun et donc qui s'est en fait attachée à décortiquer des faits divers réels dans l'Angleterre victorienne de façon tout à fait passionnante et très fouillée. Et en fait, ce n'est pas réellement des polars au sens classique du terme, dans le sens... Ce n'était pas réellement des polars dans le sens classique du terme parce que le but n'est pas de savoir qui a commis le crime, mais le but est de savoir si... la personne soupçonnée est bien l'auteur du crime. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il est vrai que ces romans avaient une dimension historique réelle, très, très intéressante, mais n'étaient pas des polars en tant que tels. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas tant à savoir qui a fait qu'à savoir si la personne soupçonnée ou inculpée mérite de l'être ou non. Dans un instant, deux auteurs de bande dessinée, Joseph Safieddine et Kyun Gun Park. Est-ce que vous avez traduit des romans graphiques? J'en ai traduit un. Ouais, alors ça a l'air plus facile parce que là, on ne traduit pratiquement que les dialogues. Il n'y a pas de description de lieu, ça sert à ça justement, un roman graphique, à ce qu'il n'y ait que des dialogues, très peu de texte, de contextualisation. Alors, quelle est la bande dessinée que vous avez traduite? C'est Alois Nebel, donc une bande dessinée, un roman graphique tchèque, qui a eu un certain succès en son temps, qui a aussi été adapté au cinéma. Et en fait, la difficulté est autre. C'est-à-dire que même si vous avez des logiciels absolument géniaux qui vous permettent d'agrandir la taille des bulles, il y a quand même des limites de longueur à respecter. Donc là, on s'apparente un petit peu, jusqu'à un certain point, à l'expérience qu'on ferait avec du surtitrage, du sous-titrage. Mais Alois Nebel est un texte bourré de jeux de mots, bourré de références. Donc la difficulté était là, parce que justement, cette concision allait de pair avec un jeu linguistique certain. Vous aviez pas mal de rimes dans l'original, pas mal d'assonances, des choses comme ça. Donc ça, il a fallu le rendre. Donc c'était difficile, oui. Et là aussi, c'est un roman graphique qui... à forte teneur historique, donc l'éditeur a jugé bon et je crois qu'il a eu tout à fait raison d'ajouter une annexe avec donc des références, des astérisques, des explicitations sur certains propos des personnages qui sont pour nous totalement incompréhensibles parce que nous ne connaissons pas dans le détail l'histoire du pays. Voilà. Pour terminer cette série avec vous, Christine Laferrière, est-ce que le nombre de notes de bas de page est très important pour un traducteur? C'est-à-dire, moins il y en a, plus vous êtes meilleur. Ah oui, alors, il est vrai que la question des notes de bas de page fait débat, parce que vous avez d'un côté les traducteurs qui disent qu'après tout, l'auteur a écrit ce qu'il a écrit et que si le lecteur est curieux, ben, il peut très bien chercher. Et vous avez aussi les traducteurs qui disent qu'après tout, il est normal que le lecteur n'ait pas forcément envie de chercher sur le coup. Et puis que ça peut être aussi une occasion d'aider à la compréhension, parce que vous ne pouvez pas glisser d'explicitation à tous les coups. Si vous avez un dialogue, par exemple, où les personnages savent de quoi ou de qui ils parlent et qu'il n'y a pas encore de référence dans le texte, le lecteur peut être perdu. pour ma part, je suis absolument en faveur des notes de bas de page parce que, égoïstement et personnellement, j'ai beaucoup appris grâce aux notes de bas de page dans les traductions de romans étrangers. Je pense à des romans japonais. Quand on vous dit « oui, j'ai vérifié, le quota dessus est dans la pièce », le personnage qui vous dit ça ne va pas s'amuser à définir le quota dessus, qui est donc un petit système de chauffage. Je remercie les traducteurs qui avaient mis la note. Donc c'est vrai que c'est très utile, c'est un confort, mais c'est aussi, je crois, une politesse envers le lecteur, parce que si vous prétendez traduire pour transmettre une culture, comment pouvez-vous en même temps mettre le lecteur face à sa propre ignorance, qui est légitime? Pourquoi connaîtrions-nous toutes les recettes de petits pâtés soviétiques ou russes, toutes les recettes russes ou tous les systèmes de chauffage du monde? Donc je crois que c'est une façon aussi de permettre au lecteur de suivre en temps réel l'histoire. Elles sont parfois nécessaires, oui. Traduire Être soi dans l'ombre d'autrui, une série avec Christine Laferrière, c'est terminé. Vous pouvez donc avoir l'intégralité de cette série en podcast ou en écoute en ligne en passant par franceculture.fr ou iTunes directement. Et vous trouverez tout à votre disposition à la page de l'émission Un autre jour est possible. Merci beaucoup Christine Laferrière de nous avoir accompagnés cette semaine. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous de m'avoir invité. Of course you will not know a word of English. And if the Chevalier asks as to the particularity of your accent, say you are a Hungarian. You served in the war. You left the army on account of weakness in the loins. You then served Monsieur de Quellenberg for 2 years. He's now with the army in Silesia, but you'll have a certificate signed by him. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Comment se dire adieu ? Il y a plein d'expressions, bien sûr, pour se dire adieu, mais il y en a une que je ne connaissais pas. Yalla, bye. Et que je ne suis pas prêt d'oublier depuis que j'ai lu justement cette bande dessinée éditée au Lambard. Une bande dessinée scénarisée par Joseph Safieddine et dessinée par Kyung-Gun Park. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Toufik. Yalla Bay, c'est l'histoire d'une famille franco-libanaise qui a l'habitude de passer ses vacances d'été au Liban, entre Tyr et Beyrouth. Sauf que cet été-là, l'été de cette aventure de Yalla Bay, c'est 2006, et quand la famille s'embarque pour le Liban, personne ne se doute qu'il va y avoir la guerre, une énième guerre, une guerre meurtrière qui a fait beaucoup de victimes pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est cette histoire qui est racontée d'un point de vue très intimiste par Joseph Safieddine. C'est votre histoire, c'est l'histoire de votre famille, je suppose, même si vous précisez que vous n'êtes pas un des protagonistes de cette histoire, parce que un des protagonistes décide de rester plutôt en France. Il est bien heureux d'ailleurs de voir toute sa famille embarquée pour le Liban. Pour lui, ça va être l'été des copains, de l'amour et tout ce qui va avec. Ils ne se rendent pas compte que ça va être un été très particulier. Votre histoire ? Alors, dans cette bande dessinée, je me suis inspiré d'une mésaventure qu'on a eue et qui est véridique. On a vraiment, avec ma famille, vécu cette histoire-là en 2006. Moi, j'étais à Paris. Eux, ils étaient coincés à Tyr. Et voilà, toute l'ossature et tous ces faits sont réels. Après, avec Yang, on a voulu aller, on a voulu se centrer sur le personnage principal de Mustapha, qui est inspiré, pareil, de ce qu'on a pu fantasmer en regardant mon père parler de son pays, parler de ses envies. Le personnage de Mustapha, on l'a vraiment travaillé, on a appuyé certains aspects de sa personnalité, et donc ça s'est éloigné de mon père, et les personnages se sont éloignés de ma famille, au fur et à mesure. Mais toute l'ossature est réelle. Et ouais. Comment vous avez travaillé, justement, avec vous, Kyung Hyun Park, comment êtes-vous arrivé à rentrer dans cette histoire que vous retranscrivez d'une manière vraiment parfaite? C'est vraiment une bande dessinée qui m'a beaucoup plu, parce qu'on est embarqué dans cette histoire, et on a l'impression que vous êtes allé sur place pour dessiner cette histoire écrite par Joseph Safieddine. Et voilà, donc Joseph m'a invité à venir au Liban, donc je suis passé 19 jours. Mm-hmm. Un peu moins, je pense. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches sur l'Internet, sur Google Earth et tout ça. Mais j'ai un petit peu de mal à saisir l'atmosphère, l'air humide et le soleil de tir. Et surtout, je ne connaissais pas trop bien le trait des Libanais. Mais vous, alors vous êtes coréen, vous êtes venu en France pour poursuivre vos études? Oui, voilà, donc je suis coréen, j'ai vécu avec manga et manhwa, la BD coréenne. Donc au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de tous les BD asiatiques qui est tout en noir et blanc et tout ça. Donc je me souviens assez bien, c'était l'hiver de 97. J'ai trouvé un magazine metal, heavy metal, c'était la version anglaise de Metal Hurlant. Metal Hurlant. Mm-hmm. Donc j'ai trouvé une nouvelle possibilité de BD, quoi. Il y a beaucoup de possibilités différentes de dessiner la BD. Donc c'était assez... c'était une surprise très très agréable. Voilà. Donc je me suis dit que ce serait très bien, très très intéressant d'aller en France pour découvrir un petit plus, éventuellement faire mes études de la BD. C'est ce que vous avez fait ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Et, j'ai fait mes études de à BD, Lyon. BD illustration à ML Cool de Lyon, ensuite Art Déco de Strasbourg. Et donc, je dois préciser aussi qu'avec le recul, je redécouvre la BD asiatique. Quoi. Voilà. Et alors, comment vous avez rencontré Joseph Safieddine ? En fait, Joseph, après ma sélection au lauréat de concours Jeunes Talents de Angoulême 2007, je pense qu'il a vu. Oui, Joseph, il m'a vu mes dessins sur l'Internet. Donc, il m'a envoyé son synopsis pour me proposer de réaliser une BD, quoi. Alors, pourquoi cette histoire typiquement libanaise qui va revenir sur l'histoire du Liban, mais aussi de la diaspora libanaise en France, Joseph Safieddine, pourquoi, quand il fallait raconter ça en images, en bande dessinée, vous avez pensé tout de suite à Kyung Hyun Park? Alors déjà, il a une histoire personnelle. À la base, on a commencé, en fait, je l'ai contacté, il a gagné ce concours de jeunes talents Angoulême, et c'était pour un autre scénario. Donc on a travaillé ensemble pendant un an environ sur cet autre scénario, et je lui ai un jour fait lire mon histoire de Yalabai, qui était une ébauche. Et là, il s'est reconnu, je crois, hein, je parle à ta place, mais il s'est reconnu dans cette histoire de famille incapable de communiquer entre eux, séparés par la guerre. Voilà, avec la Corée du Nord, tu as eu des histoires un peu similaires. Et donc, il s'est reconnu, il s'est identifié à cette histoire. Encore une fois, je parle un peu à ta place, mais je crois que c'est un peu ça. Et donc il a vraiment voulu s'investir, venir sur place, et il a trouvé plein de similitudes dans ces peuples et voilà, ces petits pays qui sont secoués par toutes les puissances autour, en fait. Il y a beaucoup de points en commun. Et dans ton histoire personnelle, il y a aussi un point commun avec le personnage de Mustapha, qui est entre deux mondes et qui ne sait pas comment trouver toujours sa place, en fait. Et très vite, ce récit qui se déroule durant l'été 2006, donc on imagine la scène, une famille libanaise bloquée, franco-libanaise bloquée au Liban sous les bombes, le fils resté à Paris qui est jeune, donc il a toute la vie devant lui, donc il continue à vivre un peu sa vie française, mais il est complètement en contact avec sa famille, tout ça c'est bien raconté, et puis il y a une autre histoire, c'est l'histoire du père, donc avec un flashback ou une une description d'une autre période du Liban, comme quoi l'histoire se répète. Comment ce père est-il arrivé en France? C'est un peu son histoire que vous racontez. Et cette fois-ci, vous avez pris le soin de partager, de bien montrer qu'il y a deux récits dans cette histoire de Yalla Baye. Un récit qui est un flashback, que vous traitez graphiquement d'une manière spéciale, en utilisant plutôt le noir et blanc, Kyung Un Park, et puis ce récit d'aujourd'hui, entre guillemets, de 2006, qui est en couleur. Bah, en fait, on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Justement, l'idée de Joseph, au départ, c'était plutôt de garder une surprise jusqu'à la fin. Je me suis dit que ouais, ce serait pas mal aussi, mais on a montré des gens d'édition et on a demandé l'avis des camarades. Et donc ils ont dit que c'est pas très très compréhensible. Donc on s'est posé la question là-dessus et puis je pense qu'il faut que ce soit un petit peu plus distinct. On voulait que le personnage soit, au début le lecteur puisse penser que c'est un jeune combattant de 2006 et qu'on comprenne à la fin que c'est Mustapha. Mais finalement comme l'histoire se répète, ça aurait très bien pu être une histoire en 2006, ces flashbacks. Est-ce que vous-même vous avez été confronté à à la séparation? Bon, c'est pas exactement la même chose, mais j'ai eu un peu l'occasion personnelle, j'ai eu l'expérience personnelle qui me fait comprendre ce qu'il a ressenti, Joseph et Mustapha, parce que... Quelle expérience? L'expérience, il y a quelques années, la Corée du Nord a lancé à peu près 40 de l'obus sur une île frontalière sud-coréenne. Donc à l'époque, j'étais en France, je me suis... Il est vrai qu'après la fin de la guerre en 1953, il y a quand même une petite escarmouche aux frontières. Mais il n'y a jamais eu de l'attaque aussi frontale comme ça. Donc comme j'étais en France, je me suis beaucoup inquiété de la sœur de mon pays. Merci d'être venu. Je Merci rappelle que c'est Le Lombard qui édite cette bande dessinée. À lire absolument. Yalla Baye. Merci beaucoup, Kyung Un Park. Merci. Et merci d'avoir accepté l'exercice de style que je propose à tous les dessinateurs tous les vendredis, c'est-à-dire de dresser leur autoportrait. Merci doublement parce que vous avez dressé votre autoportrait, le portrait de Joseph Safieddine. Merci, Kyung. Et si vous voulez découvrir ce dessin, la page de l'émission Notre Jour est possible est disponible sur franceculture.fr, iTunes et les réseaux sociaux habituels où vous attend d'ailleurs Sacha Depersin. Cette émission a été préparée avec Henri Leblanc, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guy Lamège. Dans un instant, Marc Vincher, bon vendredi, bon week-end et à lundi pour un autre jour est possible. Ton réveil sonne. Ton sommeil a été paisible. Déjà réveillé par la chaleur, ou par la lumière, ou par l'attente.